La nocturne avec Virus au contrôle et son projet qui est dans les bacs qui s'appelle Minuit. Oui, oui, oui. À l'instant, Virus avec nous. Dans les bacs depuis lundi, donc depuis le 16 juin. Depuis le 16 juin. Donc on peut déjà, le trouver, on peut même le télécharger également, c'est le moment où jamais d'y aller. Voilà, téléchargement légal via le site virusmc.fr. Ouais. Donc on peut aussi commander son physique. On a fait une édition physique limitée, on a fait un nombre limité, mais c'est possible de le commander. Puis je profite de ça pour remercier aussi les gens qui ont déjà commandé le leur. On a un bon démarrage, on n'avait pas vraiment d'attente et c'est vraiment cool, les gens qui soutiennent donnent de la force. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir et puis en espérant que ça continue en tout cas. Et ben allez-y, Virus, c'est V-E-E-R-U-S. Comme Jean, allez-y. Ouais, exactement. Ouf. C'était très joli. Très bien, bien joué. Je veux dire. On part sur quoi maintenant? Session live ou... Là on va partir sur un morceau qui s'appelle Crack, donc featuring SPM et Alpha One. Ouais. Donc Alpha One ici présent, SPM ici même. Malheureusement qui a pas pu venir, mais qui est mentalement avec nous. Et qu'on salue. Tel Kini Mode. Et donc voilà, on est là et on va essayer de vous restituer ce morceau, de vous le présenter. En tout cas, c'est un morceau que je suis fier d'avoir dans mon projet parce que c'est un peu des rappeurs que les gens ils craignent en secret, tu vois. Ils veulent pas trop, veulent pas toujours les inviter parce qu'ils craignent un peu. De peur de se prendre les foudres. Voilà, mais moi je suis un courageux, tu vois. Je suis un courageux et puis de toute façon je viens de Dunkerque donc j'ai rien à perdre de base. La vie elle m'a programmé. Ah, c'est vrai que tu vois, cette punchline elle est pas mal hein. Moi je viens de Dunkerque, j'ai rien à perdre gros. Je pars de zéro moi. Donc voilà, en tout cas je suis heureux et fier d'avoir cuisiné ce crack en compagnie de mes deux amis. Et ben on écoute maintenant, c'est parti. Allons-y. I got free neck. Le jeune Philly flingue à mes côtés. Please tell me now. Please tell me now. I really wanna know. Just Music à la prod. Mes Marseillais extrémistes. Oh. Ça commence par un drame. Les montagnes sont faites de petites pierres. Même Pablo a commencé par un gramme. Pisté par les péchés, je pense aux peines. Risqué par les aînés, au vif et pris. Visé par l'IVG. Hier les yeux rouges avec la marron, la verte. La nuit blanche, fleur noire avec le dard, on a fait. Oublie d'écouter quand la raison appelle. La routine tue plus que les guns. Et le manque d'argent tue plus que les jeunes. L'amour tue plus que les cœurs. Cœur, peur quand le nombre de bougies domine. Et vivant comme une cousine promise. Et puis vos cœurs pleurent. Moi mes peurs fleurent. Inévitable comme l'auté de Tina Turner. Entre la purple, les écarts, les mêmes projets et même fauchés, on prie pour que Dieu nous épargne. Je parle de Dieu et sans que ce truc trouble mes confrères. Ils croient en lui ici, ils doutent juste du contraire. PS. Pose la tête en prie pour que demain soit meilleur. Évolue comme des vrais cancres. Pose sur la détente car en marge de la société que tu fisses dans vos écrans. Toi sur la détente, prie pour que demain soit meilleur. Évolue comme tes vrais cancres. Les épreuves s'enchaînent, très peu s'entraînent, sous les tourées, tout se répond comme le crack. J'aborde chaque nouveau jour comme s'il était mon ultime. Je ne sais que sur cette terre, je n'aurai qu'une vie. Plongé en pleine méditation, mon esprit culmine. Mon profil est subtil, je lutte et je me cultive. Minuit. Très près des fêlés, j'ai traîné. C'est vrai, j'ai l'air d'être excédé. J'ai défait des gestes freinés. Et versé, révélé. Mais de permettre d'éclairer mes péchés. Pressé, j'ai cherché l'être aimé. L'esthétique des rêves et faits. Mieux vaut faire preuve de patience. Pour courtiser la femme digne de mon alliance. Cultivant le mystère, j'aime faire du bruit tout en restant. D'origine franco-algérienne, je souhaite honorer père, mère. J'ai vécu la vie de luxe et la vie sans matériel. J'aborde chaque nouvelle nuit comme celle était ma dernière. Puis je prie si jamais ne fallait pas que je me réveille. Gros big up à SPM, E-S-P-I-I-E-M. Rappeur très très talentueux à suivre. Quand on marche de la société, que tu fisses dans vos écrans. Toi sur la détente, prie pour que demain soit meilleur. Les épreuves s'enchaînent, très peu s'entraînent, sous les tourées, tout se répand comme le crack. Le futur a le jeune fall. Son mystère. Ouais. J'aurai une vue sur la rue, ou bien une vue sur la ville. Hein? Et puis quelle ville, quel pays, quelle vie. vais-je encore rater l'examen, père, fils? Une petite pensée, et je l'enregistre, c'est piste 7, je mate la street, le ciel, je constate ce triste siècle. Bise recette, trafic de 16, on est tous à vide de zèle. Le triple 6 me pisse, je le sais. Mon champ de vision s'élargit. J'ai mis un filtre, donc mon cercle d'amis se resserre. À la moindre petite recette, les types se servent comme des ministres servent. Le trait se balade, il est précis à la balaque. Je suis casanier comme si j'avais à libérer à la baraque, mais j'ai plus le temps de dormir. Je dois vivre de beaux rêves. J'espère que le droit chemin croisera la piste de l'oseille. Je pratique ma science, hein. Je suis en pleine ascension. Je donne plus ma fiance, con. Je donne plus ma fiance, con. Et que Dieu nous donne sa lumière et sa puissance jusqu'à la fin du siècle. Dis amen, frère. Amen. Ouais, mec, j'aime bien faire une petite prière avant un deal. Ça m'encourage à l'honnêteté. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. New Crack City. Ah, minuit disponible. Vite. Vite. Le crack. Ah. On enchaîne avec un petit classique. Ah. J'ai presque plus de larmes. Plus de gestes gentils, ne serait-ce qu'un peu d'armes. Escro et mesquin, comme tous les bandits, cette vie n'a plus de charme. Jadis grandi avec l'image d'un repenti. Peace, aujourd'hui ai-je trop demandé de vouloir que mes frères cessent de mendier. Persister à se vendre à ce pays qui persistera, je suis triste. Non, m'en fous au fond, je nique tout. Fais ce que j'ai à faire, la laisse dans la gorge. Un goût amer comme la guerre et nos forces. Frangin, mental en acier, des traits durs sur le faciès. Je dis bon, encore moins vierge que les casiers. Quand je rappe pour que ça se fasse, yes. Que les vrais faciès, que les faux retrachent chaque miette. Du cake prise dans mon assiette, quand je faisais la sieste comme le grizzly. Je viens chercher le miel et la chair, suspendu entre le ciel et la terre. Toujours au-dessus des cuisses tendues qui s'usent en plus. Allez, un peu d'argent. Je vous baisse, vous et vos anus vendus. Roule malgré la pression comme un bus rempli. Si tu peux pas suivre à plus, tant pis. Grâce à Allah, j'ai plus qu'envie d'autres. C'est celle-là si aïe. Retour aux sources des peuples d'Inairay. Dans la terre et le feu, puisqu'on n'a pas de building. On sauve les meubles. Ah ouais. Mais nique la mafia, il est public. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia, il est public. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. C'est la guérilla au sein des tests. On se trompe de cible test. Je convoque tous mes soldats. Est-ce que t'es paré pour la messe? Dans les caves ou bédaves secs. Mais tout le monde reste vif. Faut que tout le monde écoute. C'est temps si j'ai les nerfs à vif. Y'a un traître parmi nous. Quelqu'un qui a trahi le code du crew. On s'est fait infiltrer. Je crois savoir qui c'est. Faut en finir. Ou bientôt les traîtres. Partie de notre clan. Tu voulais nous la mettre, mais ça faisait pas partie du plan. Tu crois peut-être, c'est ce que je suis face à la loi, c'est un fait. Mais je garde la foi en Dieu, même si je sais que je suis dans une existence dont je ne sortirai pas vivant. Je t'avoue que les forces du mal m'attirent et que je rejette les forces de l'ordre. Je vais au hardcore, dans le brouhaha des sirènes, la laine des guns nous parfume et les années à croix se mêlent. Je suis un sac plein de rage parce qu'un sac vide tient pas debout. On croit la rage, tous les pouvoirs t'es en chien, je m'en fous à leur casque. Que le disque des X est maintenant sorti. On se propage comme une fumée. Qui masque la sortie? Les X, man. La afro-asiatique, la vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Respect, en live ou cassette. Le maniaque, lieutenant Hill. Fier les troupes que j'inspecte. Nique sa mère aux inspecteurs, j'infecte. L'heure que j'ai amène le danger, comme le GIA. Il envahit la rue comme aux States. La drogue fournie par la CIA. J'esquive le FBI, fume des cônes au Pentagone. Il nie comme Bill Clinton. Les X-Men glissent comme Joe Wilkinson. Juste au niveau du cou, gauche, droit dans le mine. On vise comme une bite dans les cuisses d'une petite conne. On respecte le niveau du cou. Toi tu déçois comme un bise d'une petite somme. Un acteur porno en petite forme. Donc on n'est pas rivaux du tout. Et je lis en toi clairement. Tu portes l'œil, porte le deuil. Une vitine et mascotte qui a le rap. Tox du drame, l'enfance à la trappe. Obligé maintenant je dis. Des grammes et des rimes. Contre des chromies, des centimes. Contre des millions plus sentiments. Mais maintenant place à la raison, attends un instant s'il te plaît. La caméra marche là et ça tourne, que tout le monde cesse. Dans ce bise que des acteurs qui se croient préparés face à la crise. Mais qui maîtrisent ici si ce n'est le pèse. Pour lui certains se baissent, certains se calent et déconnent. Je suis saoulé comme après 8-16. Tu vois flou, vois le flow. Une semaine de fou, d'office les cons sont hors tout. Oh frère, range ça, on n'est pas rivaux du tout. Une vie c'est déjà court, on n'est même pas arrivé au bout. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Mais nique la mafia et les flics. Vive les filles afro-asiatiques. La vie qui change via le clip. Fier de la galère. D'un côté et d'un autre côté. Nique sa mère la galère. Paris, les X-Men. La nocturne avec Virus, et ça paraît classique, hein, les X. Ouais. Ce qu'on appelait les X avant les X-Men. Incontournable. Tu vois, même si je sais que t'as dû l'entendre pas mal de fois dans la nocturne, je peux pas ne pas le mettre, tu vois. Non, mais c'était bien celui-ci, parce que généralement, c'est retour aux pyramides, des morceaux. Ouais. Mais c'était bien de ressortir celui-ci aussi. Ah ouais, celui-là, avec le beau sample de Clockers. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Virus? Bah écoute, on va faire un petit peu de freestyle. Ah. On a des invités qui sont là, on a des rimeurs chauds. Je vois Alpha qui s'est préparé, qui a été fou. Il est parti aiguiser son sabre entre temps pendant son. Je vois qu'il est chaud, le gars est chaud. Toujours. On peut attaquer? On peut y aller. Quand vous voulez. Session live avec Virus qu'on découvre maintenant dans la nocturne et l'album Minuit, toujours Minuit, dans les bacs. Le 16 dans les bacs, DJ Advance au platine. Envoie-nous quelque chose qu'on puisse cracher du feu. Ah, vie, V2ERUS, PS, je suis l'infection qui se répand, et je reste relax, toujours le doigt sur la détente, et je tranche, flotte, l'effort transporte, et mes morts s'orchestrent, pros, post-mortem, je cause, post-perte, et fracas, provoque les tracas, comme un gomme conserve, si les gosses m'observent, qui trouvent mes écrits illégaux, dis-leur que je vis dans l'ombre, juste pour éclairer la vie des autres, et j'ai la rime, les flots, une thérapie, les mots, et si je suis très habile, peut-être que ça abîme mes petits défauts, j'écris l'écho, des soucis qui résonne dans nos têtes, toujours trop près du trou comme un gynéco. Et si mes grosses salves prennent âme, c'est pour remplir les bouches d'arguments, le frigo et les grosses salles. Tu crois que je gâche lâchement la fête? Non, je te mets du plomb dans le crâne avant que tu prennes une balle dans la tête. Le jeune vizir, qu'est-ce qui enchaîne après moi? Sa majesté vous laisse le trône libre. K2OROS. J'écrase sur tes bougies, la cerise sur mon sgeg. Une pouliche en scène venait lécher mes bijoux de famille. Une pratique décente, dès que les dés s'agitent, astique les bords du mastic dans les gencives. Cap de ma technique, les codes, la syllabique. Jacques de la règle, mais l'amène vers les cris et les cordes. J'élabide ma strophe sans perf ni force. Panique, file sous les jupes à ta mère et baisse les stores. PD, je n'ai pas le temps de blaguer. Toi, tu n'as pas le cran de jacter. Pas le temps de briller, je gratte la plume en sang. Un peu de bon sens dans ce que je fais, j'essaie avec les scalpels et kérosène, histoire de flamber. Ma sphère n'est pas si saine, danger à ceux qui veulent ma chair plancher, car l'affaire risque de trancher sévère. Dans le vif, on vise les têtes de série, on pilonne l'hexagone, moi je les tripe attaché au pylône. K2OROS pour vous, Minuit, Advance, Nigga, get it in. Pacino. SK PS V 1 Gros, tu méprises mon argot. Tu sais à qui tu parles, on veut encaisser notre part, se tailler autre part. C'est pas une vie de dealer, ni de scanner des codes barres. Et si on parle en espèces, c'est pour sauver ma cause et sauver ma tête. Tu veux marquer l'histoire? Je vivrai même pas jusqu'à la fin du siècle. J'ai grandi avec des gars passionnés, mais pas si honnêtes. Et sur les filles fragiles, on passe nos nerfs. Tu vois, j'ai trop de choses à refaire. Je ferai tout pour mes refrains, mais dans ma famille c'est la merde. Y'a plus de mal que de peur. C'est comme envoyer son fils à la guerre et lui demander de photographier des fleurs taillées pour les grandes épreuves. C'est la merde, mais on a de l'herbe et des clopes. Si proche des chimistes, putain, tellement loin du prix Nobel. En temps de crise, on exige comme les sans-abri exigent, car on s'enracine, existe plus qu'en Centrafrique. Et on s'en bat les couilles de ce que tu penses. On aura nos appartements de voyage, car d'appartenance royale. Hein? Des ambitions de sauvage, hein? Une étoile spasmodique recherche, première place pour l'espace. Hein? Car dans le game, y'a plus d'or pur que de maille. Et dans ce game, y'a plus d'or dur qu'un nappe, plus de thunes qu'un phare. Hein? Si t'es plus qu'instable, tu vas crever comme un star. Hein? Hein? Yes. Hein? Monsieur Malik. Monsieur Malik, lui-même. DJ Fly Music. J'ai Fly, vie. Ok, y'a. Pareil que des gens viennent à mes concerts et puis lisent des livres juste pour comprendre les concepts que le mec délivre. Pareil que je ris des tempêtes et que je fuis les anses. Pareil que je défie les grands, je rappe, pareil que souris les anges. Pareil que je pourrais toucher la cible mais que je vise les angles. Que j'aime la marche, pareil que je barge quand je ris des anciens. J'ai démasqué les gens bien depuis que j'ai pris les gants. Pareil qu'on vit des temps bien plus noirs que la nuit des temps. Je suis déçu des gens, trop souvent ils puent les cancres. Nul élan, j'ai plus le temps, après le sang j'ai sué l'encre. Pareil que chambre plus mes chambres rendent plus méfiant. Il paraît que je suis plus méchant qu'avant, pourtant je fus méchante. Vous avez tué l'enfant, vendu l'art alors. Il paraît qu'on est en France, où sont les droits qu'à l'homme. Il fut un temps, je pense, l'amour faisait encore sens. Paraît que les apparences apparaissent plus importantes. Que le score compte plus qu'un sens bien portant. Il est gore ce monde, mais bon, paraît qu'il est encore temps. Paraît que j'ai pas les corps tendres, que je cogne fort, que je donne tort à toutes les staffs qui me donnent mort. Depuis l'époque, je marche avec des torts qui parlent comme des sages et font tâche dans le décor. On nage dans le désordre. Pareil qu'on est barge, mais on parle comme des ténors. Je rappe pas, je résonne. Monsieur Malik lui-même. Monsieur Malik, Philippe. Il est minuit passé, mais faut pas laisser passer minuit, enfoiré. Yes, yes, Philippe Flingue. Don Dada, hologramme l'eau dans la pièce. Putain, DJ Loulan. Philippe Flingue, ouais, virus minuit. Yes, ouais, ce soir, ouais. Ce soir je sors sans tout le Ralph, mais je reste fresh. Je descends vu que j'entends les klaxons de F, le chef de l'entourage. On parle de Cameron plus, de Maï et d'autres trucs. On parle comme Roy Noctude, on est en ride nocturne. J'ai la weed, donc avec les keufs on joue à l'éperviller. Suffit de rester bienveillant, on sort à Port-Aubervilliers. Dans les caisses on se la donne, on se croit dans les films. Sur le périphérique à fond, slalom entre les fils. À la radio y'a du kiff, sweat. À la soirée, ouais, y'a plein de métis, ouais. On se fait Panam East West. Une fois arrivé sur place, je glisse comme au hockey sur glace. Hein, mon vice refait surface. C'est comme si j'étais vêtu d'or. Mac Daddy style, tu marches et tu donnes. Les plus bonnes parlent de l'arrivée du Don. J'ai vu deux, trois pains niçois, apprécié comment flingue, il swag. C'était un lundi soir, ouais, c'est la fin de l'histoire. Ouais, minuit, flingue, Philippe Flingue, ce bon vieux Philippe Flingue. Vizir, je prends mes peines comme des avantages. Produis l'essence de la vie comme le placenta. Mental déchiré de part en part. Laissant la faiblesse, j'entame comme la genèse. J'enflamme comme le diesel. La combustion, la sécheresse. Les faux examens sont de vrais tests. Je suis un gamin plein de vrais textes. Plein de plaies, de guerre. Je trouve des victoires dans mes défaites. Et comme un fou adore les échecs. C'est à mon tour de prendre le roi. J'apprivoise mes séquelles. Je suis l'étincelle, je provoque de vraies tensions. Ma gentillesse retient la balle comme un mécanisme de rétention. Je veux comprendre mon don et je suis conscient de mon nom, mais pas prisonnier de la prétention. On comprend, se transcende et on prend le ton de ceux qui perdent, mais au cimetière combien en compte-t-on. Je crois qu'on ne compte plus depuis que nos poches sont vides, depuis que nos gosses sont ifs. Je crois qu'on se consume, on est matrixé, menotté par l'annulaire. Blanc et noir, je suis métis comme la race humaine. Vie, vie, vie. Jeune virus, jeune visi, jeune visionnaire. Zéro kilomètre, hein. Moteur de Lambo dans un Clio, man. BS 187 18. Ok. SOR. Yeah. Ne t'obstine pas quand tu n'as pas l'art dans la peau, le panache, la chair entre les chicots sur le son d'un Apache. Je porte le thème sur chaque page, gratté à vif, lacéré, j'opère le beat, le visage acéré. Je n'ai pas grand chose à dire, mais je le kill quand même. Rien à cirer, la gorge vide, j'ai les babines pleines de chrysanthèmes. Je rôde avec le corbillard, je desserre corps et âme, la mort est coriace quand elle s'exhibe dans les rues et classe, type Columbine. Je révèle de pâles copies, la vie un polaroid bicolore, un double jeu, le plus souvent win l'anonyme. Il me faudrait plus qu'un qu'un paquet de weed, hein, pour planer, être plus vilain, être plein d'autres choses, pour être le winner, hein. Je distille un tas de propos dénaturés, un virus, un embryon de phase infecte, laisse passer la pilule à tous ces patients adeptes, montrez vos artères à forte dose, et le risque de syncope et ton corps sur le parterre. Minuit, depuis le 16 putain de juin. SK, SK, PS, PS. Je suis une voix glacée, le tonnerre m'éclaircit. Depuis tu peux tenter devant Lord Cortez. T'as froid, c'est que tu commences à courir et que je compte jusqu'à 3. Donc prie pour toi et te retourne pas. Réalise, donc je sais que t'as pas besoin de moi. Je suis royaliste parce que je veux ce qui me revient droit sans prétention. Car très loin d'être un mec bien, mais sincère par mon destin, franco comme en Espagne. Je crache pas sur la réussite, pourquoi tu te justifies? Fils de pute, tu touches du bois que si je te crucifie. Je parfum de femme sur le textile, je prends des coups comme un tutsi pour le bénéfice du footsi. Insatisfait comme un roi sans héritier, je vis, j'ai rien contre tout ce que je suis, je l'ai mérité. Eux s'imagine de longues séquences, inactives dans les causes, puis juge les conséquences. J'exploite d'autres sphères, bâtis mon œuvre et tout ce que je dis, je l'ai présidé. Grand et vif comme celui qui dirigeait. Hein? SK, vie, minuit, virus MC, minuit. Malik, Yeah. Je suis comme un fou qui manie les lames sous acide ou comme un tsunami. Moi je fais que les foules s'agitent. Vois dérouler le zouloudou et admire tout ce charisme. J'ai le groove magique et je le fais rouler pour toute ma clique. Toute ma vie, shoot la rime et goûte la weed. Dans tout Paris, je tourne en troupe de fou de la street. On se fout de la crise, nous on tease, kick et souille ta fille. On était pauvres avant que Wall Street coule ta vie. La foule m'attire, je boue moi quand touche à vire. Je cours et j'attoue le coup à la proue, je m'agrippe. Si je suis un youvois, j'ai le boom clac et le groove canif. Et tous voient le guide, là je tempère, je trouve pas de rime. Ah si, face à la tempête, j'ai la fougue d'Achille. Face au fourbe, j'ai la gamberge d'un fou de la rime. Je suis un débatteur hors pair, j'ai la joute facile. En termes de pamphlet, je suis un orfèvre, j'épouse la rime. Brah, brah. Hi. Monsieur Malik, dis-moi pourquoi tu te lèves. Je porte le poids du glaive, les darons sont venus droit du bled. Que crois-tu, je vise le doigt du ciel, le renoi du siècle c'est moi. Mon rap c'est franc, toi ton rap c'est faux. Ton rap c'est vendre, mais je sais qu'il y a une brebis sous ton aspect de faux. Une page se tourne, 9-5, entourage de fou, partage le flou. Tu veux voir Falcao, va guette un match de foot. Plus proche du but que toi, même si ça se bute le soir. C'est pas la rue que je squatte, j'ai plus qu'un speech, qui veux-tu que je sois? Ils veulent juste que flinguer plus de swag, mais chicoreille le parquet. Je dois mettre le paquet, j'ai plus que faim, j'ai plus que soif. Certains négligent les codes, pour que leur disque décolle, ils disent des conneries, c'est M6 déconne. Mon iris traduit, puis je récorde. Les fanatiques s'écorchent la voix sur cette merde, n'importe quel bitch les cogne. Mon père m'a semé, c'est pour lui que je récolte. Yes, minuit, file les flingues dans les bacs zères. Le jeune flingue. Pour clore la cérémonie toujours en beauté. Ouais, c'était la nocturne avec toi, Virus. Merci en effet, Alpha One, Monsieur Malik qui était là-bas. Présente-nous un petit peu tous ceux qui sont passés aussi. Alors au micro. Ouais, je vais présenter un petit peu. Donc il y avait moi-même le jeune Vizir qui suis passé en premier. Ensuite il y a eu donc le jeune Philly Fling, Monsieur Malik, donc Jeff Fly aussi, SK, donc MC aussi de ma ville, Kouros également MC de ma ville. Dans la pièce il y avait aussi le Seigneur en personne, lui-même, au sens féodal du terme, je tiens à le rappeler tout de même. Le bon et généreux DJ Lo, toujours dans la place, toujours opé pour soutenir. Et DJ Advance au DJ platine Advance. Qui nous a agrémenté des sons pour cracher le feu en fait de manière conviviale. Et ben merci à vous, merci à toute l'équipe. On rappelle que ton merci projet est dans les bacs, il s'appelle Minuit. Minuit, Virus MC. Vous pourrez trouver sorti le 16 juin et vous pouvez trouver sur virusmc.fr. Donc voilà, connectez-vous, on fait les choses correctement. Allez-y, allez cliquer. Merci d'avoir été là. Tu salueras Leslie Ja aussi. Hein. Merci à toi. Gros big up à Leslie Ja. D'ailleurs, je lui passe une spéciale pour lui. Donc voilà, toujours présent et toujours dispo pour les gens. Donc ça fait plaisir. Gros big up à lui. Ouais, une grosse dédicace à lui. La nocturne continue pendant une heure. Merci à vous tous, Alpha. À très vite, la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Avec l'entourage, voilà. Voilà, bah. 9-5, voilà. On vous attend, les gars. Tout dans les bacs, voilà. Terrible. Bah, merci à vous tous. Merci à vous. Bon retour sur DK. Oui. J'aime t'entendre dire DK. DK, quoi. Tu sais que moi, je connais, je suis déjà venu 2-3 fois à Dunkerque. Ah, là, Grande Sainte et tout. Toute la. Voilà, tous les Alpha aussi. Alpha, il a déjà ah, un je peu connais. DK, PS et tout. Il a vu le labo, il a vu la salle d'opération. Il a vu là où tout se passait. Énorme. Exactement. Respect pour le Nord. Ouais, bah, merci à vous tous. Merci à toi. Merci. Et bonne route, bon retour. Le son de Skyro continue, c'est la nocturne 100% rap français. La net PS. Rap. 100% rap français.

Depuis que t'as fait le compte, essaie de nous baratiner. Gava, passe-moi la maille, j'ai chaud. Chaud, t'as pas balancé, bravo. Voilà, continue, voilà, c'est bon. Je veux bien que tu ramènes du gros, tant que tu nous passes l'info. You vois, c'est le 7-5, tu connais le game. Arrête de Panama, Los Angeles. Fuck tout le game, on reste entre nous. Même sur soi que des bonnes, nous, personne nous baise. Toutes nos armes viennent de l'Est. Tu dis pardon, je te laisse. Je vais les éliminer dans la minute, ramène le best. Je F ce que je voudrais. La vie de ma mère, ils font pas le poids, va. Je te parie, même mon brava. T'es mort dans le film, moi ça va. Car je compte jamais sur mes gava. Je viens de Panama, mec, ça sent le traquenard. Mon flow dans le game, c'est la tragma. Même ta vieille pute sans la tapa. On sait que tu le sens, fais pas Zama. Wesh, les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je vous baise en bro. Wesh les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je me change en machette. Wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs. Faites-moi chose qu'elle, wesh les mecs. On arrive, on t'allume, t'ose gras. Je veux le brave à la vonta sans ça. On entre en guerre, on écoute Mozart. Sors la conce, qu'on s'en fume l'eau, ça big up les grands, les petits du Tiex. Comme Galadjo, ils regardent mes petits seulement si je sors des fesses. Des galardos, big up les frères au Heps. Tababouné, je suis pas docile comme un Camerounais. Ramène ta clique, je vais la partouser. La vie de ma mère qui vont pas me toucher. Tu connais les bails, on arrive, on déboule en balle, on fait du sale 7-5. Y'a du feu, mon ami, wesh wesh. On va dégonner les balles, tous les allumer, nous battre, on est à l'eau, on va ramasser les sesterres. Dans le calme. Prendre l'avance car il stagne. J'compte toucher des grosses talpes. Pas le sol du comico de la rue Farm. Gaba, ça va. J'ai connu le boycott un peu comme Monsieur Mbala. J'marche dans la ville, tu guettes, tu fais le malin. J'sors le neuf, tu danses à lambada. Wesh, ouais, c'est quoi les boys? C'est un super ou quoi? Ouais, ouais, c'est ça mon pote. J'te dis qu'il me faut mon dû. Rien à foutre d'avoir la cote. Beaucoup de meufs me courent après. J'te cache pas que ça me sert à rien. J'vais les éliminer dans la minute. Ramène le best, dis-lui que j'fais pas de calme. La vie de ma mère, ils font pas le poivre. J'te parie même mon brava. T'es mort dans le film, moi ça va. Car j'compte jamais. Mais sur mes gava, je viens de pas la mettre, ça sent le traquenard. Mon flow dans le game, c'est la tragma. Même ta vieille pute sans la tapa. On sait que tu le sens, fais pas Zama. Wesh les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je vous baise en brochette. Wesh les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je me change en machette. Wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs, wesh les mecs. Faites-moi chose qu'elle, wesh les mecs. Yeah, 7-5. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de faille, ma gueule. 2005, ok, pas préventif. Rap français. 100% explicite lyrics. Sur un 93 musique. Centre VHF. C'est un niche. Voilà, mec. Ils veulent m'imposer quand vous voulez. Je serai millionnaire. Soit tête mon billet. Soit tête mon billet. Je serai millionnaire. Soit tête mon billet. Soit tête mon billet. Je serai millionnaire. Soit tête mon billet. Soit tête mon billet. Ma rue. Tu n'es que ton père. Je serai millionnaire. Soit tête mon billet. Soit tête mon billet, j'serai millionnaire, soit tête mon billet. Soit tête mon billet, j'serai millionnaire, soit tête mon billet. Soit tête mon billet, j'serai millionnaire, soit tête mon billet. Cauchemar né du rêve d'une arme, nos diamants naissent d'un kilo de gamme. Sur ma peau de bronze, j'lance sépulcral. Passe-moi le onge, j'fume sépulcra. Fleur de courage, rose à part. Pas d'émeute, pas de roselle. Marche toi sous la jupe, la putain de juge. Je presse ton cul, j'te tiens au jus. Pour un 6-3, tu fais la pute. Ton cul au diable, la DJ vendu. J'prends mon aco à coup de massue. Je prise ta côte, prends ton azur. Fuck Neil Armstrong, fuck la luge. De la Aston et de la thune. Cœur de pauvre, voiture de riche. Y mélange, on Habilleté, dévore l'oseille, bête désir et on soleil, fruits exotiques, kilo de cesse, tête de moët, dindo, grosse fesse, joyeux Noël, n'est une rafale, j'arrive en balle, 9-3, Gaza, Bouddha, Rafat, madame la juge, que je donne ma race, moi la biche, je te donne à mort. Ils veulent m'imposer quand vous voulez, je serai millionnaire, soit tête mon billet, soit tête mon billet, ma rue, tu n'es que ton père, je serai millionnaire, soit tête mon billet. Soit tête mon billet, je serai millionnaire, soit tête mon billet. Une nouvelle pute, un nouveau tel, une nouvelle puce, un nouveau tel. C'est l'intifada, fait des prières, cœur de Gaza, larme de pierre, un autre jour, un autre billet. Regarde le ciel et vois-moi prier. Jump mental, j't'ai cambriolé. Bas dans la tête, j't'ai cabriolé. Oui, t'es fait, mais pas coupable, car le lièvre choisit pas sa rage. Je tranche leur gorge pour entendre leur voix. Pas de match retour, une seule finale. La rue se joue qu'à une seule balle. 09

c'est la nocturne 100% rap français avec Niro, Ennemi à l'instant. C'est extrait de son album qui est dans les bacs, c'est miraculé. Le son continue, vos messages 41759 avec le hashtag La Nocturne, vous les balancez pendant la nocturne 100% rap français. On va écouter maintenant un morceau, celui d'Alibi Montana, c'est le retour d'Alibi Montana et le morceau s'appelle Galak. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Je réfléchis à comment sortir de la défi. Monter sur un Brinks, pourquoi pas. Si c'est moi ou eux, je ne les raterai pas. Faut une paire de couilles pour buter un homme. À balle réelle, pas au com-cogne. Présente tes collègues, je suis déter. Je prendrai l'oseille, même s'ils doivent rester à terre. Pour la famille et les sous, je peux tirer. Pour la famille et les sous, je peux tuer. Cagouler, ganter, rebouler. Depuis tout petit, antipathique au poulet. C'est la patate. Fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. C'est la patate. Fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. Paranoïaque, rage d'un bosniaque. En guerre comme l'Irak, j'dégaine kalakalakala. Bouge, faut que tu tapes comme l'a fait Rosa Parks. Où tu vas qui gros que du kalakalakala. J'leur donne du fun, la chatte à leur daronne. Si j'allume ce con, j'ai qui gilet mon jeune. Mon 9-3 est lourd, difficile à porter. Laisse-les parler, on a tous leur dossier. La tendance est de ma bite, salope tu sais où j'habite. Depuis 1260 jours, j'kick leur putain de pronostic. Mitraillette, manchette, fixe ton regard sur la braguette. Il suffit que tu te penches pour que je sorte la baguette. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. Y'a Dieu qui peut me juger. Mais je sais qu'un fils de pute pourrait me buter. H24, j'pense à l'oseille. Ma pétasse, mon gueuflin et ma bouteille. Rien à foutre de dire ce que tu veux entendre. Si t'es un boycotteur, va te pendre. Marche ou crève, tu connais le proverbe. Coffret ici, investir au bled. C'est la reste. Hollande, à force, la France fait rire comme Groland. Rap comme bac, antipathique à la bac. Gros bâtard, quand j'arrive, la route passe à la sac. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. C'est la patate, fils de pute, je pense que trois rats. Ramène ta putain de chaîne, qu'ils deviennent ton putain de max. Planète Rap, 100% rap français. On fait cette maille, ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais que tu ne vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Si tu vois mon égo, pas deux. On arrive en classe en deux. Ma clique est trop foulée. On remplit 100-402. Ces négros sont des chats, on va forniquer fort que soumis. Je suis prêt à tout pour les yébis. Vendre la coca, Johnny. Alité, everyday, holité. Je me fais sucer, alité. Je pourrais pas me faire alité. De vivre sans faire cette maille, ma gueule. Obligé de bouger pour ma gueule. Drogue, sexe, violence, rap et gun. Le casse-cou se porte, mon gars, nous c'est avec bon. Big Pop, comme mes chiens garantent sur le beat. Bah, couilles de Chicago dans le 9-1 de bis, ça débite, bah ouais ça débite, t'en suis pas débit. Mon bout juicy est dash un vif. Toko, Boma, Bango, Nyon, Sobamba, tapé dans l'équipe. Vas-y suce mon flow, vas-y suce mon pan. Vas-y suce mon équipe, bah ouais dans l'équipe, on prend ton liquide. Lâche des tâches de sperme sur les guides. En arrivant debout dans ta crochette. Ma bite arrive dans ta boîte à caca sans toquer si tu fais trop la vierge. Vétéran comme Juicy G, violent comme Juicy P. On sort les jujoux, pas pour jouer, juste pour nous enrichir. Chaîne de vie, je me sens lévio comme une prisonnière de guerre. Si je peux t'enlever la vie, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. J'ai l'air coupable, pourtant je comparais libre. Merci maître, j'ai pris la fuite, la proc a demandé du fiche. Merci maître, plus papier dans l'iPhone pour éclairer mes nuits. Je vois dans le noir comme la chauve-souris. Je comprends vite que la passion s'inspire. On fait cette maille. Tous les jours, chaque euro gagné est un pas vers la sortie du trou. What's up, fou? De quoi tu parles? Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Le fennec dans la brume, le visage grimé, tête brûlée. Je pousse la chansonnette comme Carla Bruni. Je mets masse de chirurgien sur une affaire avec les frères de Grigny. Je passe par Fleury, je coupe les barbelés. Fais pas le fou ici, tu vas me faire rigoler. Clic, clic, clic, bang, bang, bim, bim, c'est comme tu veux. Si tu dégaines, frérot, ne sors pas pour rien. Tu le, on aime la thune, ouais, la pique fumée. Quand la nourrice est fiable, tout ce que t'as pu faire, petit frère. On l'a déjà fait, mais en premier, mais en plus. Plus nerveux qu'un rookie, défoncé comme Snoopy. J'qui ça, ça dans le building, bibi, bi, à check ton booty. Quand je mets la frappe, voilà, et puis là, j'ai le goût à rien. Cube-toi de ton huc, fils de pute, mon crew va bien. Bang bang sur les tables, gang bang sur les tables. On vient faire percer le quart, c'est mon gore, inverser les stats. Y'a des secteurs où tu mets pas les balles, y'a des erreurs que tu commets, c'est dalle. Purple Age, les coulants des tailles, viens épauler mes gars, mec, tu connais les balles. Ferme là, tu sais que trop parler peut-être. T'es wanted, les chasseurs de rimes sont sur ta tête. LMCC a baigné dans le crime depuis l'époque des bacs à ça. Fume de la frappe atomique, dans ma clique y'a pas de Tommy. Il me faut un putain de bon coup, à la robe en cours. Je veux pas finir comme ce mec, la porte cligne en cours. Clic clic par une bécane passe, brrr, tape une roue, brrr, brrr. La roue tourne, la vengeance coûte 15 coups, brrr, brrr. On fait cette maille. Tous les jours, chaque euro gagné est un pas vers la sortie du trou. What's up, fou? De quoi tu me parles? Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Chacun se coup, ouais, t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Juicy P, c'est sur son album dans les bacs, clic clic pa, avec Mac Tailleur, Rimka, Gradure, Gros Dash et Jack Mani à l'instant. Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Planète rap, 100% rap français. Et ça vient de Vitry, Mike Lucas maintenant. Business dans la nocturne, 100% rap français. Terminé normal, donc j'arrive en bas. Faut que le rap français puré, quelle grande blague. Brolique de rime rechargée, donc je gambade. Nique sa mère le reste. Poteau, j'fais mon business. Business, business, busy, business. Business, business, business, busy. Poteau, j'fais mon business. Business, business, business, gambade. Nique le rap français, quelle grande blague. Libère le flow que j'enferme. En attendant comme interne, il est vrai qu'année sa vie c'est dur, mais c'est aussi très facile de la perdre. GG, pépé d'âme, Jojo sous les déterres pour aller pousser. L'argent te passera à l'anneau à la cheville si tu cherches trop à l'épouser. Le rap français fait de la peine, hypocrite, tous les coups de main sont relous. Gros, si une erreur est humaine, j'ai dit que je suis plus humain d'entre nous. Personne ne chume quand les feux que rapide, déterminé pile où t'as coffré ta clique. Le business tourne comme le trône, qu'un suicide peut stopper le trafic. Faut que les valises de brise sortent feuilles, triste comme ne plus portefeuille. C'est mieux d'avoir une dame qui porte tes soucis, qu'une hell qui te porte l'œil. Check, jeune, je me la pète. Déterminé, allumé de la tête. Poteau, d'état, nommé de la bête. Chez nous, fumé du à part les calumets de la paix. Déterminé, normal, donc j'arrive en bas. Faut que le rap français puré, quelle grande blague. Brolique de rime rechargée, donc je gambade. nique sa mère le reste. Poto, je fais mon business. Business, business, busy, business. Business, business, business, busy. Poto, je fais mon business. Business, business, business, gamba. Nique le rap français, quel grand blague. 22-22, elle est semé l'air gang, 22-22. Le projet est dans le four, bref, tête à fumer Marginal 2. Elle est semé l'air, t'es mon gars, c'est même quand c'est la reste là. Des chiens ont percé, ils ont eu ton chat, tu la respires. La vie m'a mis des coups de coude, donc j'ai roulé ma bosse. Le paradoxe, ma brolique, c'est allumé sur un terrain cross. Ton pis, je vais l'envoyer en l'air. Tu veux monter un terrain, prends pas d'employé en l'air. Ici tu peux faire un gros beat, même si t'as la dalle. Elle est similaire, gang en rafale. Veux le business, dis vantale. Marginal 2, réel dinguerie. T'as fait studio, laisse-leur faire leur singerie. Lucas V, déterminé, normal, donc j'arrive en balle. Faut que le rap français puré, quelle grande blague. Brolique de rime rechargée, donc je gambade. Nique sa mère le reste. Poto, je fais mon business. Business, business, busy, business. Business, business, business, busy. Poto, je fais mon business. Business, business, business, gambade. Nique le rap français, quelle grande blague.